Saddam, Al Qaeda, Saddam, Al Qaeda, Saddam, the Al Qaeda, Saddam, Saddam, Saddam, Al Qaeda, Al Qaeda. 6 juillet 1946. La vie met au monde des mômes nommés George Walker. Originaire du Texas, on est loin d'imaginer le destin dans cette vie qui lui est prédestinée. L'aîné d'une grande famille aisée, oh boy. Il rêve de marcher sur les traces de son père. Il aspire à devenir le premier homme des States. Aucun échec en tête, c'est la gloire directe. Gouverneur du Texas en 9-4, réélu en 9-8. 69% des voix de mandat à la suite. Républicain d'un parti politique, remarqué à cause de son soutien à la peine de mort. Anecdote de mandat pour un seul homme gracié. Une centaine de prisonniers d'un seul coup terrassé. La vie met au monde des membres voulant toujours régner. Quitte à renier, des peuples endommagés. Justicier des temps modernes, c'est des peuples sans défense qui saignent. Dégaine une armée à la recherche du règne. Kérosène or noir gouverne. La guerre a fait place au chant des sirènes. Hors la loi des temps modernes, voir ce peuple sans défense qui saigne. La guerre a fait place aux pleurs et aux peines. George Walker règne. L'étoile du shérif dans le cœur a fait de ce monde un western. Année 2000, George, le républicain n'a pas l'intention de se laisser abattre par son adversaire John Gore, qui est candidat du parti démocrate. Prépare sa campagne en monopolisant la presse, la radio, les chaînes télévisées. Et plus médiatisé que son adversaire au soir des élections. Pour sa victoire, doit être truqué. Logiquement, il a écrasé les votes au scrutin, car son but c'est de réaliser son vœu rêve d'être shérif du monde, de conquérir et de contrôler ce monde. À présent, il tient les commandes et peut tout diriger. Mais la pression dans son propre pays, il veut faire régner sa justice dans le reste du monde, cataloguant tous les pays du Moyen-Orient de terroristes en premier plan. Justice des temps modernes, c'est des peuples sans défense qui saignent. Dégaine une armée à la recherche du règne. Kérosène or noir gouverne. La guerre a fait place au chant des sirènes. Hors la loi des temps modernes, voir ce peuple sans défense qui saigne. La guerre a fait place aux pleurs et aux peines. George Walker règne. L'étoile du shérif dans le cœur a fait de ce monde un western. Depuis son élection, il se prend pour le shérif du monde. Avec son cheval Tony Blair, il veut conquérir le monde. Devenir le maître, c'est ce qu'il a en tête. L'occasion s'offre à lui après les attentats du World Trade. Et comme tout bon western, il monte sa mise en scène. Nomme deux ennemis publics, Oussama et Hussein. Et comme tout bon shérif, il peut commencer sa traque. Son programme, bombarder l'Afghanistan puis l'Irak. Et sous notre nez, à l'encontre de l'ONU et Chirac. Les deux compères, Bush et Blair, ont commencé le massacre. Le bilan est lourd, une centaine de milliers de morts. Tant d'innocents pour deux hommes et toujours un qui court encore. On n'a retrouvé aucune trace d'armes. Seulement où se planquer Hussein Saddam. La vérité est que l'or noir était sa seule raison. Mais shérif Walker blanchira l'affaire comme sa maison. Justicier des temps modernes, c'est des peuples sans défense qui saignent. Dégaine une armée à la recherche du règne. Kérosène or noir gouverne. La guerre a fait place au chant des sirènes. Hors la loi des temps modernes, voir ce peuple sans défense qui saigne. La guerre a fait place aux pleurs et aux peines. George Walker règne. L'étoile du shérif dans le cœur a fait de ce monde un western. It was Iraq, it was Saddam, find out, get back to me, get back to me. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.